Vendredi 7 septembre, 17h, cellule de XX6, installée juste sous le plafond, j'écris, allongée sur ma nouvelle couchette. Je reprends mon journal. En dessous Patrick, mon nouveau et mon premier compagnon de cellule, regarde la télé. Nous venons de partager le repas ensemble. Pour finir, il m'offre un bout de fromage. Va pour le fromage. Avant qu'on me déménage, en tout début d'après-midi, je suis reçu par la directrice, je ne connais pas exactement sa fonction et son grade, celle que je nommerai donc ici la directrice entre guillemets, la directrice du bâtiment A. Je fais avec elle le point sur ma triste situation. Je lui montre combien je suis crasseux et combien j'ai besoin, avant qu'on m'apporte peut-être des vêtements de l'extérieur, de pouvoir me changer. Elle prend un rendez-vous pour moi au vestiaire indigent. Indigent, moi, quelle chute vertigineuse. Mais enfin je ne peux pas rester dans cet état. Je lui parle aussi du tabac. Elle me fait remplir un bon arrivant. J'en profite pour commander, sur ce même bon, un tricot de peau, du café et deux rouleaux de papier cul. Je veux garder ma dignité, même en prison. Je lui dis, les yeux baissés, combien je crains de me retrouver avec une de ces petites frappes qui peuplent les baumettes, j'ai encore en mémoire les insultes et les menaces d'hier, mais je ne lui en parle pas. Elle m'assure que mon futur co-cellulaire est quelqu'un de calme, et presque de mon âge, 47 ans me dit-elle. Je la quitte, à la fois inquiet de ce déménagement, et heureux d'échapper à cet étage où je n'ai plus ma place. Je serai logé dans la cellule de XX6, bâtiment A, 2e Nord, au quartier des Isolés. Bonjour, je m'appelle Bruno. Je viens de franchir le seuil de ma nouvelle cellule. La porte s'est refermée derrière moi. Je tiens dans les bras mon trousseau, mes draps, ma couverture et une cuvette en plastique avec dedans, mon nécessaire de toilette, mon assiette et mon bol. Un bonhomme est allongé sur la couchette. Il se tourne vers moi. Il me dévisage un moment, en se redressant sur son coude. « Je te reconnais » me dit-il. « C'est avec toi que j'ai fait le trajet dans le Forgeron, l'autre jour. Tu t'en souviens, je ne sais plus. Le monde carcéral est petit. En effet, c'est sûrement peut-être, l'homme avec qui j'ai fait le trajet, l'homme à qui j'ai serré la main, celui avec qui j'ai partagé les mêmes menottes, lors de mon transfert, il y a une semaine maintenant, celui avec lequel je fus communauté. Mais comment aurais-je pu le reconnaître? Je n'avais pas eu le temps, bousculé que nous étions, de vraiment le fixer, ni même de pouvoir lui parler. Je ne l'ai plus revu depuis. Et puis je croise ici tant et tant d'autres têtes. Je tente d'éviter tant et tant de regards aussi. Il s'appelle Patrick. Je saisis à présent pourquoi, je ne l'ai pas revu à la descente du fourgon cellulaire. Il a dû rejoindre directement ses quartiers, pressé d'échapper, et je le comprends, à la compagnie des autres détenus. Il m'accueille aimablement. Il ne me raconte pas grand-chose. Patrick n'est pas un grand bavard, j'aurai le temps d'en prendre les mesures. Les présentations faites, je me dois de choisir une couchette. Il y en a trois superposées. Patrick occupe la couchette du milieu. J'hésite. M'installerai-je au rez-de-chaussée, près du sol, ou au 2e étage, à 1 mètre sous le plafond, au risque d'escalade hasardeuse? J'opte pour l'étage le plus haut. Ainsi serai-je plus près du ciel. Si jamais en enfer, il y a un ciel. On discute à peine, de tout et de rien. Dès notre premier échange, Patrick se montre sympathique, rassurant et protecteur. Il n'ajoute que les quelques mots qu'il faut. La cellule est sordide, et c'est peu de le dire, j'y reviendrai. Sordide mais correctement tenue. Je lui avoue que c'est la première fois que j'entre en prison. Voyant que je n'ai rien à fumer, il tient à m'offrir une cigarette qu'il va récupérer auprès de la cellule d'à côté par un trou qui communique. De là, on lui fait passer du tabac à rouler. Cette cigarette a le goût suave d'un verre de bienvenue. Comme je n'ai rien fumé depuis plusieurs jours, j'ai la tête qui tourne un peu. Il me dit qu'il est en détention depuis 6 mois, qu'il est prévenu. Prévenu, c'est-à-dire, pas encore condamné mais placé en détention préventive, comme je le suis moi-même. Il compte bientôt sortir, il en est persuadé. Je lui demande une allumette, pour toucher du bois. Il me sourit, d'un sourire fugace, seuls ses yeux s'illuminent, des yeux bleus qui ne vous regardent pas, sauf en quelques moments fugitifs où s'établit la connivence. La télé est allumée. Patrick tient continuellement la télécommande à la main. C'est son objet fétiche, son doudou. Heureusement, le son n'est pas fort du tout. Je lui dis ma hantise du bruit, de ses cris, de ses cookies, ici depuis mon arrivée, me pénètre et me poignarde. C'est le terme que j'emploie, me poignarde. Il m'indique du menton la fenêtre. Je suis à nouveau placé dans une cellule côté cour. Le soir, il y a tellement de bruit qu'il faut bien augmenter le volume. Sinon on n'entend rien. Nous verrons bien ce soir. Quelques conseils à présent sur la tenue du ménage. Patrick se dit très à cheval sur la propreté. Ça tombe bien, moi aussi. Il me parle beaucoup des cafards et de la chasse quotidienne à laquelle il se livre. Il me parle aussi de son ex-co-détenu. Un garçon de 28 ans, plus jeune que lui, libéré à présent il y a 3 semaines, et qu'il semble avoir beaucoup apprécié. Il était très tranquille, me dit-il. La conversation me rassure. J'ai le sentiment d'être bien tombé. Ensuite, vient le temps des mises en garde. Patrick me prévient contre nos voisins. Tous nos voisins. Ici, il faut tout planquer, ne rien laisser apparent. Il faut dire qu'on n'a pas, même si on a ou sinon ils ne te lâcheront pas. Il me prévient aussi, mais sûrement pas suffisamment, ils vont vouloir savoir pourquoi tu es là. Il ajoute, de toute façon, ici, tout finit par se savoir. J'en frémis. Mon visage doit rester impassible. Je ne réponds rien. Sois prudent surtout pendant la promenade, fais attention avec qui tu parles et de quoi tu parles. Je lui demande s'il faut que j'évite de sortir. Au contraire, me dit-il, sinon, ils penseront que tu as peur. Effectivement, j'ai peur. Mais j'écouterai sagement ses conseils, demain, je prendrai mon courage à deux mains, je sortirai en promenade. J'ai trop besoin de lumière et de soleil d'ailleurs. L'heure du repas est arrivée, on nous apporte la gamelle. Il n'y a ni chaise ni tabouret dans la cellule. Juste un petit coin de planche où poser la nourriture. Depuis 6 mois, Patrick mange debout. Il me propose de faire de même. Je préfère manger assis, je prendrai mon premier repas sur mon lit perché, dans ma nouvelle niche, en haut dans ma cabane près des sépoils. Patrick me fait passer la barquette et un bout de pain. Après, il prendra même le soin de me laver ma cuillère, pour m'éviter de descendre à nouveau. Pour finir, il m'offre un bout de fromage. Va pour le fromage.